Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 35. Du nom image attribué au Fils. Que le mot image se dit du Fils comme nom propre. 1. Le mot image est-il dans la Trinité un nom de personne? Le mot image convient à l'une des personnes divines et non à l'essence. Ce qui le prouve, c'est que la nature de l'image est la ressemblance d'un objet. Or, une chose n'est pas à elle-même sa propre ressemblance. Conséquemment, l'image de la nature divine se rapporte à la relation et se dit de la personne. Ce qui le prouve encore, c'est que l'image d'un objet n'en est pas une ressemblance quelconque. La ressemblance de l'espèce ne suffit pas même pour la constituer, si l'on n'y ajoute pas l'idée d'origine. Pourquoi un œuf n'est-il pas l'image d'un autre œuf? Parce qu'il n'en sort pas. Pour qu'une chose soit vraiment l'image d'une autre, il faut donc qu'elle en sorte avec une certaine ressemblance. Or, tout ce qui révèle origine ou procession, dans la nature divine, appartient aux personnes. Donc le nom image forme un nom de personne en Dieu. Le mot image est-il un nom propre du Fils? Saint Augustin dit que le Fils seul est l'image du Père. Saint Paul en dit précisément autant. Le Fils, selon ce grand apôtre, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15. Il est la splendeur de sa gloire, la figure de sa substance. Hébreux 1, 3. Les Grecs enseignent communément que le Saint-Esprit est l'image du Père et du Fils, mais les Latins n'appliquent ce nom qu'au Fils à l'égard du Père. L'Écriture elle-même, qui ne donne cette qualification qu'au Fils, nous justifie en ce point. De même donc que le Saint-Esprit n'est pas dîné, bien que par sa procession il reçoive, comme le Fils, la nature du Père, il ne porte pas non plus le nom d'image, quoiqu'il ait la ressemblance du Père. La raison de cette différence se trouve dans la diversité des deux processions, dont l'une s'appelle génération, et l'autre procession d'amour. La génération produit mieux la ressemblance spécifique que la procession d'amour. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.